الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. Mes chers frères, parmi les plus grands bienfaits dont disposeront et jouiront les gens du paradis, c'est la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle constitue le but ultime pour lequel les gens doivent œuvrer avec effort, pour lequel ils doivent se concurrencer. En sera privé celui qui sera ce jour-là voilé de son Seigneur et rejeté à sa porte. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et Ibn Abbas radiallahu tabaraka wa ta'ala a justement expliqué ce verset. Ila rabbiha nadhiratun. Il a dit qu'il y aura ce jour-là des gens qui regarderont Allah tabaraka wa ta'ala. Ces visages seront resplendissants car Allah tabaraka wa ta'ala les aura préparés pour la vision du Très-Haut Jalla wa'ala. Ils seront dans une blancheur, ils seront dans une lumière, ils seront dans une beauté indescriptible pour pouvoir regarder la face d'Allah Jalla wa'ala. Aussi Allah dit Jalla wa'ala, il y aura pour eux tout ce qu'ils voudront et auprès de nous il y a davantage encore. Ali Ibn Abi Talib ainsi que Anas Ibn Malik ont dit, et davantage encore, ceci c'est la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam muslim rapporte, d'après la version de Suhaib, radiallahu anhu, que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens rentreront au paradis, il dit, Allah dira à ce moment-là, voulez-vous une chose que je vous rajoute? Ils diront, n'as-tu pas éclairci nos visages? Ne nous as-tu pas introduit au paradis? Ne nous as-tu pas préservé du feu de l'enfer? C'est-à-dire qu'ils penseront qu'ils jouiront de la plus haute des récompenses à ce moment-là. Alors, le voile sera baissé et il n'y a pas une chose plus aimée de ce qui leur a été donné que la vision de leur Seigneur. Puis le prophète de lire la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala à ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense et même davantage. Cet avantage qui a été spécifié dans le verset coranique, le prophète l'a expliqué comme étant la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi que les compagnons ont expliqué ce verset de la sorte, parmi eux Abu Bakr, Hudhayfa, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Abbas et d'autres. Allah dit aussi tabaraka wa ta'ala qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Beaucoup de salaf, beaucoup de pieux prédécesseurs prouvaient par ce verset que les serviteurs verront leur Seigneur au paradis. L'imam Shafi'i a d'ailleurs dit qu'il y a dans ce verset une preuve que les croyants verront ce jour-là leur Seigneur. Abdurrahman ibn Sa'di dit en commentaire de ce verset coranique, le voile qui s'interposera entre eux et leur Seigneur, le Seigneur des mondes, est un châtiment qui comprend son courroux et sa colère. Et ce châtiment sera beaucoup plus dur et douloureux pour eux que le châtiment de l'enfer. On comprend par ceci que les croyants verront leur Seigneur le jour du jugement ainsi qu'au paradis. Ils se délecteront plus que toute chose en le regardant. Ils exulteront lorsqu'il leur tiendra propos et se réjouiront de sa proximité, comme le cite Allah tabaraka wa ta'ala dans de nombreux versets du Coran et dans les nombreuses paroles de ce qui était rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari wa Muslim rapporte dans les deux sahih d'après la version de Abi Huraira et Abi Sa'id al-Khudri que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le jour du jugement? Il dit, contestez-vous la vue du soleil quand sa clarté n'est masquée par aucun nuage? Ils dirent non. Puis le prophète de dire sallallahu alayhi wa sallam, contestez-vous la vue de la lune la nuit où elle est pleine quand sa clarté n'est masquée par aucun nuage? Ils dirent non, ô envoyé d'Allah. Alors le prophète de dire sallallahu alayhi wa sallam, eh bien vous le verrez au jour de la résurrection de la sorte, c'est-à-dire sans rencontrer aucune gêne. L'imam al-Bukhari wa Muslim rapporte également que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y aura pour chacun deux jardins dont les vases et tout ce qui s'y trouve seront en argent, puis deux jardins dont les vases et tout ce qui s'y trouve seront en or. Il ne sera interposé entre les hôtes du paradis et la vue du Seigneur d'autre que le voile de la grandeur sur son visage dans le jardin d'Éden. Allahu Akbar. Parmi les causes qui permettront à la personne de voir son Seigneur, elles sont multiples et je m'en suis restreint à quatre. La première, c'est la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que son unicité, tawhiduhu. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense et même davantage. Ce qui est spécifié dans ce verset coranique est ceux qui agissent en bien, pour avoir une traduction plus exacte, et ceux qui excellent dans les actes d'adoration. Et l'excellence, el-ihsan, c'est le plus haut degré de la foi. Deuxièmement, l'observance des prières du Fajr et de l'Asr. L'imam al-Bukhari wa Muslim rapporte d'après Jarir ibn Abdillah qui a dit « Nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se mit à regarder la pleine lune et de dire « Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez celle-ci sans que vous ne vous bousculiez pour la voir. » S'il vous est possible de ne pas vous laisser détourner par la prière du Fajr ou de la prière avant le lever du soleil et la prière avant le coucher du soleil, alors faites-la. Il voulait signifier par ceci la prière du Fajr et la prière de l'Asr. Puis le prophète a lu le verset coranique suivant et célèbre sa louange avant le lever du soleil et avant son coucher. Troisièmement, s'écarter des péchés et des désobéissances. L'imam Muslim rapporte d'après le hadith de Abi Dharr, radiallahu anhu, qui a dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois personnes dont Allah n'adressera pas la parole le jour du jugement, ne les regardera pas, ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Et le prophète a répété cette parole trois fois. Alors, Abu Dharr al-Ghifari a dit, ils ont échoué et perdu. Qui sont-ils, ô envoyés d'Allah? Et le prophète de répondre sallallahu alayhi wa sallam, celui qui laisse traîner son vêtement en dessous des chevilles, celui qui rappelle aux gens les bienfaits qu'il a octroyés aux autres, et celui qui écoule sa marchandise en jurant faussement. Quatrième cause par laquelle la personne, inshallah tabaraka wa ta'ala, verra son Seigneur le jour du jugement, ce sont les invocations. C'est demander sincèrement à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il t'octroie ce bienfait, qui n'a pas de bienfait au-dessus de lui. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui prie et qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Qu'il réponde à mon appel, ceci signifie qu'ils observent les ordres religieux et qu'ils s'interdisent les désobéissances. Car comme vous le savez, l'observance des ordres religieux et le fait de se détacher et de se détourner des interdits est une des causes par laquelle Allah exauce les prières. N'avez-vous pas entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a évoqué cet homme qui était dans une situation difficile, voyageur, les cheveux ébouriffés, qui a levé ses mains au ciel et qui a dit « ô Seigneur, afin qu'il soit exaucé ». Alors que sa nourriture est illicite, ses boissons sont illicites, ses vêtements sont illicites et il se laisse nourrir par l'illicite. Et le prophète de dire sallallahu alayhi wa sallam, comment une personne de la sorte pourrait-elle être exaucée? Malgré le fait qu'il a réuni toutes les causes pour qu'il soit exaucé. Il est voyageur, il est en détresse, il lève ses mains au ciel et il a appelé Allah par Rabb, Seigneur. Et l'invocation et l'exaucement des invocations est une des composantes et relève de la seigneurie d'Allah. Quatre causes par lesquelles Allah exauce les prières. Malgré ceci, le prophète a dit comment cette personne pourrait être exaucée. La raison, le prophète l'a expliqué et l'a mis en valeur. C'est qu'il ne s'abstient pas de faire des péchés et de manger l'interdit. Allah tabaraka wa ta'ala, an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda, wa nas'aluhu jalla wa ala, أن يمتعنا برؤيته في جنات عدن بفضله وكرمه إنه الولي بذلك والقادر عليه ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الطاعة أن يجعلنا من أهل الطاعة وأن يجعلنا على الإخلاص وأن يحيينا على الإخلاص وأن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا مع الزمرة الموحدين بفضله وكرمه إنه الولي بذلك والقادر عليه اللهم لا تزع لنا ذنبا إلا غفرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مريضا إلا شفيت ولا عسيرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم